Radio Autrement 89.1. C'est vous. Comment? Des ciseaux de la campus, la Radio Campus, quoi, de Trois-Rivières? C'est les palmarès. Pardon? D'assister à la pire introduction des palmarès et vous de l'histoire. Hey, c'était n'importe quoi, ça. Salut, Matt. Salut, Chose. Comment c'est Steph? C'est Pef Staradi, c'est ça? Pef. Pef Staradi. Pez. Hein? Les petits bonbons Pez. Oui. C'est Pez Staradi. Oui. Si seulement quand je te frappais, ça a la tête, tu sortais des bonbons. Ça sera juste du sang. Donc, bienvenue à l'édition complète des Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 novembre 2013. On va passer 3 heures ensemble. C'est l'idée derrière l'édition complète. Ça part bien. Ça part vraiment. Si c'est comme ça tout le long de l'émission, on va avoir du plaisir ensemble. Ah. Donc, dans les 3 prochaines heures, on aura entre autres Palm Rest in Peace. Ouais. Classique. Un instant classique, mais x2. Oh! 2 times! Est-ce que tu nous réserves une surprise, Mathieu Plante? Oui, un petit bonus juste pour toi. Mmh. Mm-hmm. On va aussi avoir C'était fou. Ouais. Moins le fun, OK? Non, mais... Et ailleurs dans les palmarès. Tabarouette. Point, point, point. Non. Ouais. Grillon. Grillon et autres insectes, tiens. C'est des insectes, des grillons? Ah, j'allais dire grillon des guimauves, mais si tu veux y aller avec les sauterelles, c'est ton choix. Oui, c'est comme un jeu de mots, genre. Ouais, comme par exemple, si t'étais guitariste et que tu t'appelais Graton. C'est ça? Ça serait comme Graton la guitare. Graton la guitare, puis là, moi, je prendrais le crédit parce que je pensais que c'était une blague tellement intelligente de moi, mais finalement, c'était toi qui l'avais inventé, celle-là. Ben, je sais pas, finalement. C'est peut-être juste une collaboration. Ben, c'est ça. C'est un teamwork, tag team, you know? Puis on s'en rend même pas compte. Jamais. On est tellement un duo. Hein. On est tellement un duo. Quelle affirmation! On est tellement deux personnes, tu sais. Individuellement, mais qui sont regroupées ensemble. Je tabarouette, hey! Ton gilet est rouge. Mais vraiment rouge. Hein? Merci, c'est un beau compliment. Ouais, pas pire. Hein? T'es sûr que c'est pas parce que je t'ai frappé sa face comme un pez que le sang est revenu partout? Il était blanc à l'origine. Bon, et vous n'entendrez aucune référence à ces blagues-là parce qu'on débute la première heure, puis vu qu'il est tout seul pour la reprise, ben on pourra pas faire de blagues de ce qu'on vient de faire, fait que ça, tu sais. Hein? On les ferme là, les blagues. Ils sont finis là. On peut-tu les refaire, non? On peut les refaire. Est-ce qu'on on essaie de réinsérer une des blagues de l'introduction de l'émission complète dans une des 3 heures, OK? Bonne chance. C'est chercher laquelle, c'est pour que les gens écoutent toutes les rediffusions, même les versions quotidiennes. Tu comprends? Ah oui, c'est comme un Wish Charlie, mais beaucoup plus long. C'est plate. Donc voici la première heure de l'émission, c'est les Palmarès Fou édition New Shit. Bonjour et bienvenue à l'édition numéro 1, la portion New Shit des Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 novembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Ça va bien. Hey, tu parles de chat, ça me fait penser. Moi, mon chat s'appelle Kira. OK, c'est le Kira. Donc, ça fait... c'est mon chat Kira. Chat Kira. Est-ce que c'est pour vrai, la blague? Parce que je l'avais pas saisi jusque-là. Comment? Je savais que ça s'appelait Kira, mais je savais pas que c'était ça la blague. Ça vient plus juste. Non, j'ai découvert ça. Ça fait 5 ans que j'ai ce chat-là. OK. Puis ça fait 5 ans que je le réalise pas. Là. C'est dommage drôle. C'est mon chat Kira. Parce que je trouvais le nom comme bon, correct, là, Kira, c'est bien beau, là. Mais Shakira, c'était cœur. Moi, je sais pas, moi, si j'aime ça. Okay. J'étais encore un peu sous le choc de cette découverte-là. Mais je sais pas si c'était. Je pense que c'était dans une demi-heure d'une histoire. Hein. J'étais comme interrompu, comme je fais toujours, là. C'est ça? Ah non. Non, OK. J'ai fini de blague de chat. Cool. Ma chatte à moi s'appelle Geisha. Et je l'appelle Geisha de Gay Cat. Mais c'est pas ma faute, c'est pas moi qui l'ai nommé comme ça. Puis de toute façon, c'est pas sa faute, c'est gay non plus. Là. OK. Fait que dans le fond. Ben, coudonc. C'est ça. Elle est belle histoire. Donc, commençons notre portion New Shit des Palmarès C'est fou avec les nouvelles entrées. On en compte 4 en anglo et 3 en franco. 4 plus 3 égale 7. Bravo! 7 carrés, ça fait 7 fois 7, ça fait combien? 7 fois 7? Ouais. 49. OK. Donc, on va entendre entre autres Mimi Van Der Glow, Jacques Maure, Bacha Boulat, Steve Hill, Radical Face et Jobin. Mais on commence en 20e place francophone avec Astéroïde de Janice Plus. Ça, ça fait 49. Ça, c'est beau. Ça peut aller bien. 7 fois 7. Ouais. Ben, je suis pas mal sûr, là. Ouais. 7 plus 7, 14. Retiens 1, mais ça, c'est... Divisé par pourcentage. Contre les girafes. Le petit C. Pour y sauter. J'accélère, bien sûr, vite, laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. Un rythme effréné. J'accélère, bien sûr, vite, laisse-moi me détacher. Entrée. I know. Robin et Soweto sur l'album The New Religion Project, nouvelle entrée en 20e place anglo. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Janis Plus avec Astéroïde. Jobin! J'étais quand même stressée de dire le mot astéroïde, parce que déjà, je suis du genre à mettre des R où il faut pas. Là, tu sais, quand t'as un R de même en plein milieu, on a tendance à pas le mettre à bonne place, genre astéroïde. Ou comme à aéroport, puis aéroport, puis raéoport. Ou Astoride, tu sais, un film de cul vraiment intense. Oh, excuse-moi, j'ai dit le mot. Astoride? J'ai dit vraiment dit ça, je me retire. Ouais. Un film d'entre-gens, ouais, d'entre-fils. Astoride. Ou encore Astor, le petit robot. C'est pas Astro? Astro, oui, tu vois. Moi, je me mets à la mauvaise place. Ben, c'est ça, gars. Je pense que t'as mélangé, pas Balthazar, c'est un des rois mages. Bulldog Bazar à Radio-Canada. Bulldog Bazar. Ayon. J'avais une référence en tête qui malheureusement ne veut pas viendre présentement. Babar. L'éléphant. Ouais. Non. C'est pas grave, écoute. Biobazar, Danny Janvier. La musique Biobazar. Ah, ouais. Mais non, c'est pas non. Ça non plus. Albator. OK. Donc, Non, c'est ça, c'était oui. Albator, mais je cherchais Albator. OK. Je suis fier là, présentement d'avoir trouvé. Là. OK. Ben, Colin, j'aimerais partager ton. Albator. Uh-huh. Oui. Cool. Albator. Ouais. Bref, au moins, t'as pas dit hémorroïde au lieu d'astéroïde. Bon, au moins, hein? Mais non, c'est pas mon genre du tout, c'est plus le tien. Genre. 19e place maintenant, toujours de nouvelles entrées. Du côté anglophone, c'est Radical Face et Holy Branches. Ah, et du côté francophone, en 19e place, c'est un peu triste, c'est Adieu mes chats de Jacques Maure. Oui. Mais là, Adieu mes chats, non! Mais penses-tu que Jacques était un chat? Donc, Jacques Maure, c'est la mort des chats. Et en plus, la chanson, c'est Adieu mes chats. C'est comme, est-ce que c'est comme combo de chats morts? Ah, oh, c'est méga triste. C'est vraiment triste. L'autre fois, à Assemblage Requis, c'était très pertinent. T'as demandé si c'était Jacques Maure M-O-R-D ou Jacques Maure M-O-R-T. Oui, j'ai demandé ça. Je trouvais ça intelligent et c'est M-O-R-T. Donc, ce n'est pas mort avec sa bouche, mais mort avec sa tombe. Hey, je viens de remarquer quelque chose de bizarre. M-O-R-T, l'épellation de mort, ouais. C'est aussi muerte. M-O-R-T. Mort en espagnol. Tu comprends-tu la réponse? Oh, M-O-R-T, muerte. M-O-R-T. Ah, c'est fort. C'est les palmarès, c'était fort. T'es presque intelligent. Des fois, quand ça te tend. Le jeudi. Chacun s'appelle. rentrer. Mauvaise pièce qui est en train de jouer. A Radical Face, Holy Branches, commence maintenant, genre tout de suite. Super professional! When you were young, you bite your tongue. Calm, always did what you were told. Never in your mouth, live life on tiptoes. Only felt peace if by yourself, when mistakes don't count. There's a hole in your chest from the time that you were born. One that don't get filled, cause you've always known. But everybody's bones are just holy branches, cast from trees to combatants in the world. In time we find some shelter, spill our leaves and then sleep in the earth. In the air we'll belong, cause the earth don't give a damn. Radical Face et Holy Branches, nouvelle entrée en 19e place sur l'album de Family Tree, 2 points de Branches. Et du côté francophone, tout juste avant, on a entendu Adieu mes chats de Jacques Mort. Oh, mais là, ils s'en vont où? À la ferme des chats, là, où tous les chats s'en vont? Okay. Ouais, mais Adieu mes chats, ça veut dire qu'ils sont morts souvent quand même, parce que ça a 9 vies. C'est vrai. 9 fois 3 chats, mettons. Non, ouais. Il y a plus que 3 chats. Combien il y a de chats, tu penses? Lui, combien il y a de chats? Ouais, Adieu mes chats. Il doit en avoir. Ouais, mais comment tu peux perdre 8 chats en même temps? À part si ta maison passe au feu et t'es vraiment cheap pour les sortir. Oh! Mais c'est vrai, cette semaine, j'ai rêvé que je sortais Shakira d'une explosion. Non, c'est triste, je devrais pas rire. Hein. Mais là, en passant, à ceux qui nous écoutent, je parle pas de Shakira la chanteuse, je parle de mon chat qui s'appelle Kira. C'est ça, c'est un jeu de mots. C'est à préciser. C'est comme ma chatte qui s'appelle Geisha, je dis la chatte gay, ou gay cat, c'est pas vraiment, vraiment gay. Ben, tu le sais pas. Ben, en fait, ouais, ben, c'est vrai qu'elle colle plus les filles. Puis c'est une fille? Ouais. Donc, elle est lesbienne? Ouais. C'est cool. Ouais, mais ça. Rainbow Cat. Comme le chat arc-en-ciel qui est sur YouTube. Le chat pop-tart. C'est ça.

entrée. C'était Baja Bulat et la pièce Total Shadow, pièce titre de son album, oui, en position numéro 17 anglophone. Et avant, on était en 18 anglophone, oui, avec Long Road de Steve Hill. Et finalement, avant, c'était Plus je crie de Mimi Vanderloo. Mm-hmm. Voilà pour les nouvelles entrées. On a 7 en tout. Un bon petit set de cette chanson. Un petit set carré. Oui, oui, oui, ça me dit quelque chose, cette blague-là. Donc, vu qu'on a accueilli cette nouvelle entrée, ça veut dire qu'on doit dire au revoir à 7. Oh, est-ce que c'est déjà le temps de Pam Rest in Peace? Oui. Just now, tens of change. What's gonna happen to you? Bye, bye, bye. You have woke up too soon, and the world is rearranged. Bye, bye, bye. And now your feelings have changed. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Concern, comme un accident, chaud.

francophones, on va entendre Rouler dans... oui, c'est ça, Rouler dans le noir de Louis-Philippe Gingras, qui est monté de... Non, descendu de 1. J'ai de la misère à compter les chiffres, j'ai de la misère à voir si c'est par en haut ou par en bas. On se complète tellement bien. Ouais, en haut, en bas, c'est arbitraire. C'est ça, c'est un select. C'est comme gauche-droite. Non? Ouais. Droite et l'autre droite. Gauche triangle, et l'autre gauche. Triangle. Triangle, Mathieu. Ding, ding, ding, ding. Non, ding. Pas l'instrument de musique. Ah. Putain, c'est la manette de PlayStation. C'est les Barbarins, c'est pour édition New. De l'amour calciné dans le fond de mes shorts, de la bouffe dans mon fridge, une lumière allumée, pacter mes petits bouts de maison. Je suis parti me faire une raison. J'ai croisé ton fantôme dans le fond d'un truckstop. J'ai tatoué son nom dans mon paquet de top. J'ai skippé le domaine, de peur que tu te ramènes, que tu me ramènes dormir à maison. Je suis parti à chasse aux démons. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir. Satan dans mon miroir. L'amour calciné dans le fond de mes shorts, de la bouffe dans mon fridge, des lumières allumées, pacter mes petits bouts de chanson. Je suis parti pour mieux revenir bon. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. 14. Imagine Tales of Cologne par Imagery City. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Ça monte de 5 places en 14e anglophone. Et en 14e francophone, c'était Rouler dans le noir de Louis-Philippe Gingras. Mm-hmm. On va y aller tout de suite avec le prochain bloc. C'est les positions 14 du côté anglophone. Non, pardon, excuse-moi, si on est rendu à 13. Suis un peu. 13. Honolulu avec Keepsake qui monte de 5 places. Et du côté francophone, tout juste avant, on va entendre Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. Au panneau, c'est fou. Laisse-moi pas Anna Loulou, la pièce Keepsake en 13e anglophone. Et du côté francophone, c'était Laisse-moi pas tomber de Simon Kearney. On saute par-dessus les 12e et 11e. En anglo, c'est Braids avec Incline en 12e et Furfrey avec Voyager en 11e. Alors qu'en francophone, c'était No Call de Jimmy Hunt et en 11e, Je pars au combat de Guillaume Marceneau. Voilà pour l'édition 1. New Shit des Paris Assez Fous. On se retrouve dans quelques minutes pour les auditeurs du jeudi et du dimanche. Sinon, demain, pour les gens qui nous écoutent en rafale, du lundi au mercredi, entre 17 et 18h. À la prochaine. Bye! Manque de temps! Manque de temps! C'est fou. 89.1. Bonjour et bienvenue à l'édition Top 10 des Palmeurs Assez Fous pour la semaine du 18 au 24 novembre 2013. C'est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, il t'a parlé sur la fin de mon... qui durait très très longtemps comme un genre de coup de vent, Stéphanie Paradis. Est-ce que tu voulais que je le laisse Non, c'était bon. Ça faisait un beau mix, je trouvais. C'est comme une musique de fond, tu sais, comme ce qu'il joue là. C'est comme on peut parler par-dessus, tu sais. Okay. Parce que si on l'a laissé jouer tout le long comme ça, genre... Donc, vous êtes au Palmeurs Assez Fous? Hein? J'entends rien, j'ai une musique dans l'oreille. Portion de top 10 qui commence évidemment avec les 10e potions, les potions numéro 10, comme vous voulez. T'sais. C'est une bonne idée, je pense, de faire ça comme ça. Pas pire, hein? Pour pas mêler le monde. Du côté anglophone, ce sera Nico Case qui monte de 6 places, c'était une nouvelle entrée la semaine passée. Et c'est stable du côté francophone, on s'en va entendre Feu Follé de David et les Bois. Faut pas me rester fou, on va écouter le reste de la musique, hein?

just been walking apart. It doesn't really matter, it never really mattered. I never really had a broken heart, yeah. Such a shock to me. But next to me, my people going through the motion. And when it's over, yeah, the hearts are broken. I finally said, she really loved me, but I couldn't see it though. He really loved me, but I don't believe it. En deuxième place anglophone, c'était Broken Heart par Dr. Dog. Et francophone, c'était Mieux vaut vivre pauvre d'Alex Nevsky. Avant s'en entendu en dixième place, Nico Case et Night Still Comes qui montent de 6. Et c'est stable du côté francophone en dixième place et c'est Feu Follet de David et les Bois. Avant de passer aux huitième positions, Mange l'ours mange et Ostra, allons-y avec les meilleurs moments de la semaine au complet dans un genre assemblage requis sur l'émission du matin et truc. Comment c'est ça? T'as un peu l'émission matinale La Belle et les Bêtes. Des noms? Non. Non. C'est Assemblage requis entre 6h30 et 9h30. Et les voici dans un instant classique. Voici les meilleurs moments d'Assemblage requis pour la semaine du 18 novembre 2013. Il y a un micro qui est tombé pendant que tu t'assoyais. Ouais. Est-ce que tu as vraiment eu le temps de le rattacher depuis que tu t'es... Oui. Ça fait comme 10 secondes qu'il est tombé, non? Ah, je suis un vrai changeur de pneus à Formule 1, moi. T'es comme un Lucky Luke de la radio. Du Mike. Du Mike. De tout ce qui est phallique. Ça avait l'air super fake comme rire. Ouais, vraiment. C'est tout qu'un plan. Tout qu'un plan. Tout qu'un plan. Il m'en disait pas plus, non. Ah, ça rentre pas. C'est ce qu'elle disait hier soir. Ça rentre Joke pas. Joke du dimanche, oui. C'est comme si ça arrivait tous les dimanches. C'est ça. Comme une horloge. Oui. On débute notre émission en musique avec Summerland. Voici Juste un peu trop. C'est aussi ça qu'elle a dit hier. C'est juste un peu trop. Et c'est douloureux. Ah. Tu vas trop loin. Oui, je sais. Okay. On coupera tout ça. Oh, circoncision du montage! Je suis allé au métro, puis en sortant du métro, tu sais, il y a comme un salon de bière. Ouais. Puis à côté, je vois qu'il y a un nouveau restaurant qui s'appelle L'Entre-Jean. C'est délicieux. Apportez votre vin. Apportez votre varin. Ah oui? Parce que Entre-Jean, c'est le nom, le mot que j'utilise pour. Oui, j'ai été obligé de me tasser sur le côté. J'ai fait faut que je texte immédiatement, monsieur Plante! Cette web qui sûrement leur a coûté des dizaines de milliers de dollars, mais il est fait en flash. Fait quand tu vas là sur un iPhone, tu peux juste pas voir les affaires. Rien partout. Je suis un gars qui s'ennuie du HTML. Oui, moi aussi. Bon vieux, Dreamweaver, Frontpage. C'est comme ça que le web devrait être partout. Moi, je vais te laisser les commentaires informatiques. Moi, je suis pas C'est toi qui as commencé, mais. Ouais, c'est même ça, je vais juste plugger HTML ou dire, ouais, le PHP, CSS. Là, tu me startes, là, puis là, après ça. Je vous remercie encore, auditeurs. Lecteurs. D'assemblage requis. Ouais, lecteurs du Zone Campus aussi. Et lecteurs d'assemblage requis pour ceux qui nous écoutent en version braille. Oui, c'est la nouvelle application. C'est ça. iBraille. Des sensations, là, je sais pas. Quand c'est kinky, sexy time. Oh, on diffuse des affaires obscènes sur notre version braille. Ouais, les gens capotent. C'est ça. Oui, capotent. Oui. Caoutchouc. Donc voici un nouvel extrait que moi j'entends pour la première fois, mais le titre m'inspire. Voici Fou de toi. Assez fou de toi. Hein? Beau petit slogan de mars, hein? C'est fou de toi. Toutes les musiques, une seule fois. Wow. Et maintenant, ben, on reçoit Anjulie. Pas Anjulie. Hey, excuse-moi. Oh! Wow! Anjulie est morte pour nous autres. C'est fini. Elle est morte. Quoi? Elle revient plus. Mais elle s'en va. On y a fait peur. Donc, un mot au hasard. Un mot au hasard? Oui. OK, attends. 5, 4, 3. Crash. Crash. Fromage. Du fromage crash. Du fromage crash. Des tranches de fromage. Oh, Mathieu. En forme. Merci. Merci, les gars, de m'accepter. Pareil. Ben, malgré la différence. Oui. On est tous très différents. Ben, c'est ça, c'est fou, hein, ça attire les mouches. Hein. Fait que, on est là. Buzz, buzz, buzz. On devrait aller en musique, je pense. Je sais pas. Moi, je commence à shaker. Je suis jamais à l'aise. Là. Tu vas être encore écroulé sur la table. Rie plus fort que ça. Oh! T'es fourré, la radio, c'est une première! Yeah! Le temps des fêtes arrive, hein? Ouais. Mais c'est on se prépare. Oui, on fait du ragoût. Pâtes d'information. Du ragoût de plus. Là! Des fins de plat. C'est des fins de plat. Ouh! Du ragoût de fin de plat. Hey, j'ai eu peur que ce soit un autre mot. Oui, On a flirté avec, hein? J'aurais pu. Oui, j'ai flirté. À pour un plat, avec une plat, avec un plat. Bien mijoté. Je ferai n'importe quoi. Ça fait longtemps qu'on en parle avec Dani et avec Steph et avec moi, mais pas avec Jean-Philippe parce qu'on veut le surprendre. Oh, c'est vraiment des papillons, je suis tout énervé. Il fait comme bon encore, on m'inclut pas, je me sens comme si j'étais même pas co-animateur de cette émission-là et tout. Je m'en vais! Bon. Mais c'est encore mieux que d'avoir travaillé sur le projet, mon cher. Ok, génial. Tu vas être content. Sucre à crème. Ok. Parce que s'il y en a pas, là, je vais être déçu. J'ai des attentes hautes. Bon. On y va avec les péripéties de JP! Ah! Yeah. Chibi, Chibi, il aime les ailes barbecue. Chibi, Chibi, il porte des jogginous. Chibi, Chibi, il n'est jamais marabout. Chibi, Chibi, et son petit goût aigre doux. Les péripéties de JP, épisode 1. Prenez-moi pas pour un élève. Dégage pas. Bravo. Tous ces anciens clients m'ont vraiment demandé ce qu'ils faisaient là. J'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé à grand-chose. Excusez. Je trouve ça drôle. C'était JP qui écoutait L'Auberge du Chien Noir. Seul. Hein? Seul. Seul. C'est le bois important. Seul au monde. C'est tellement cute, là. Ouais. Ah, trouve que tu as vraiment bien fait ça. Sérieusement, David, si je peux m'exprimer ainsi, là, je suis impressionné par ta chronique. J'ai adoré non seulement le concept, l'exécution et le texte et la façon de le dire et les chansons choisies. Pour vrai, mes hommages, man. Ben, merci beaucoup. Je savais pas que tu me complimenterais de même. Ça m'arrive quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment bien de complimenter, autant que quand quelque chose me dérange, je le dis aussi. Ah ouais? Ouais. Wow, mec. Puis là, après ça, ils vont pouvoir me parler dans le dos quand je suis pas là. Hey! Un peu, là, là! Tu complimentes, puis tu prends ça comme ça, je le ferai plus! David! T'es drôle. En faisant pipi dans la douche, tu peux économiser environ 1157 gallons d'eau par année. Je confirme. Non. Wesh. Je les ai comptés, j'ai pissé dans la douche, dans des pots, je les aligne sur le bord de la laveuse sécheuse. Puis là, tu dis, tiens, chérie, du jus de pomme. Non. Ouf, là, là. Fatima Houda Pépin, la députée très connue. Mais comme elle est libérale, elle n'a pas le droit d'être pour la charte. Non. Parce que ça ressort des rangs. Donc là, on attendait. Oui, puis sur les réseaux sociaux, il y avait une campagne pour dire qu'est-ce que Fatima en pense. Qu'est-ce que Fatima... Donc les péquistes s'énervaient beaucoup sur les réseaux sociaux. What the Fatima says? Ring, ding, ding, ding, ding, ding. Je faisais ça, mon chéri. Ça serait un bon jingle, ça. Ça serait bon. Donc. C'est moi que les grandes gueules l'ont fait. Wow. C'est un peu facile, les gueules. Je suis en train de me replacer. Tu sais, des fois, quand t'es assis trop longtemps... C'est le dos, hein? Non, c'est les boxeurs. C'était les meilleurs moments d'assemblage Wiki pour la semaine du 18 novembre 2013. JP! JP! Notre ami le kangourou. Non. Copyright, ça. De Skippy? Le bird pin. Il aime les ailes barbecue. Ça, c'est le bon. C'est le bon. Écoutez-nous, Jean-Philippe Charbonneau et moi, Mathieu Plante, à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Puis moi, des fois. Oui, t'es là le mercredi. Oui. À 8h une semaine, à 9h l'autre semaine. Oui. Ouais, mais à toutes les semaines avec les aventures de JP. Oui. C'est toi et moi qui faisons ça. Mais j'ai quand même le copyright de l'intro. Oui, et des phrases de l'intro, oui. Du concept des montages. Et moi, j'ai le crédit du montage de la chronique. Et Danny Janvier a le crédit pour le générique, le montage générique. Et t'sais, voilà. C'est travail d'équipe. Voilà. Puis JP, ben, il est dedans parce qu'on pogne des bouts de lui puis on lui demande pas avant puis on le met dedans. C'est ça. Maintenant, on est rendu au position numéro 8. Du côté anglophone, ce sera Astra et Painful Eye qui montent de 4. Mais tout juste avant, du côté francophone, on s'en va entendre terrifié de Mange l'ours mange. Au palmarès, c'est fou, édition top. 10. Ça vous est déjà arrivé de dégueuler sur la piste, les filles? CFOU 89.1. pas que je fasse des blagues avec toi. Carrie. Ouais. Carrie. Mais on dirait que j'ai comme trop de mémoire pour des niaiseries comme ça. J'avais totalement oublié l'existence de cette blague. Non. Je vais juste changer ta phrase, OK? Je vais te mettre des mots dans la bouche. Tes blagues sont trop bonnes que je suis pas capable de les oublier. Non, j'avais totalement oublié l'existence de cette blague. Ouais. Et en entendant la chanson, ben, je t'entendais toi faire « Ouh, ouais, Carrie! » Je trouve vraiment drôle, par exemple. Tu me hantes, là. Tu brises mes chansons, en fait. Ce matin, je me suis réveillée. Tu sais quoi, je chantais? Quoi? Tu tournes dans ma tête comme un caramel. Ou tu tournes dans ma tête comme un lave-vaisselle. Mais c'est chanson, tu tournes dans ma tête comme un carousel de oui, Peter mais ce matin, j'avais caramel. Je trouvais ça très drôle. C'est proche de carousel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? C'est la chanson d'Alex Nevsky, là. Colorier. Il y a ça aussi. Ouais. Oui. Puis d'autres, là. Et plein d'autres. Oh, hein. Oui. OK, vas-y. Deviens pas trop gros. Au lieu de Don't Get Heavy. Ou Don't Get Gravy. Ça, c'est JP qui l'a inventé. Ah, mais c'est bon. On brise le top 40 pour que vous n'ayez pas à le faire. Et on vient d'entendre dans le top 8 en anglophone, c'est Astra et Painful Like qui montent de 4. Et du côté francophone, c'était Terrifié de Mange l'ours mange. Tantôt en position 7, on aura Pendentif et Solid. Mais avant ça, on recule encore plus loin en arrière. Est-ce que c'est... c'est ton... C'est mon rewind. Ton rewind. Ouais. Voici C'était fou. Et on recule à la semaine du 18 novembre 2005. Ça y est, c'est ce soir que tout recommence. Dans l'appart, chez la grosse Yolande. Invité à donner le show. On va faire couler le bateau. Arrivé là, c'était la décadence. Tout le monde prenait des drôles de substance. Le show peut commencer. Les décibels ont tout fait sauter. On a joué trop fort. Les voisins se sont alarmés. Les forces de l'ordre se sont pointées. Il est un peu trop tard pour vouloir fâcher quelqu'un. On va devoir vous embarquer. Un peu plus tard, dans la soirée, après avoir été libéré par Yolande qui ne voulait qu'une chose, me montrer son gigantesque string rose. Et la voilà dans toute sa splendeur. Je vous avoue, ça fait un peu peur. Elle a des seins gros comme la mairie qui pourrait nourrir toute l'Afrique. On a joué trop fort, les voisins se sont alarmés. La grosse a traversé le plancher. Monsieur Savard, qui écoutait le hockey, tout le monde dehors, ça va longer. Thank you. wrap its arms around me and bathe my skin in water cool and cleansing and feel what it's like to be new. 'Cause in my head there's a Greyhound station where I set my thoughts far off destinations, so they may have a chance of finding a place where they're far more suited than here. We'll be right back. C'était un bloc C'était fou pour la semaine du 18 au 24 novembre 2005. On est quand même retourné. C'était il y a quoi ça? Hein? À peine avant la chanson de Steve Hill qui est rentrée sur le palmarès. Drôle d'inside. Alors, on a entendu au début du bloc les Pistes de Rose et Grossières à descente sur leur album Sans foi ni loi. C'était le numéro 1 franco. Après ça, numéro 1 anglo, Dead Cab for Cutie avec Soul Meets Body sur l'album Plans. Et en pièce bonus, on a entendu Hot Hot Heat et Island of the Honest Man sur l'album Elevator. Et ça, ben, on s'en fout. C'était quelle position? C'était la 7e en anglophone. Mais on s'en fout. On s'en fout complètement. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette merveilleuse semaine-là en 2005? Je retrouve les Delaware Chuck, Pépé sa guitare, André qui fait notre chanson thème de l'instant classique. C'est quand même pas rire. Carquois qui était là. Ensuite de ça, Metric. Il y avait aussi Bloodhound Gang, oui. Ce Bloodhound Gang-là, ouais. Oui. Mm-hmm. Avenged Sevenfold, Queen of the Stone Age, Broken Social Scene, Horror Pops et plein d'autres dans la semaine du 18 novembre 2005. Ouais, ouais, ouais. C'était pas mal bon, ça. Ben oui. Et moi, si je devais te répondre à la question, genre, quels sont tes groupes préférés, là, c'est sûr et certain que... Non, attends, t'as pas... T'as pas. Hey, Mathieu. OK, vas-y. Quels sont tes groupes préférés? Ah, attends un peu que j'y pense. C'est The Whale. C'est The Whale. Dead Cab for Cutie, c'est là-dedans. Et Hot Hot Heat. J'ai choisi en fait cette semaine-là et les pièces que j'ai choisies dans ce bloc, c'était fou parce que c'est dans mes groupes préférés à vie. Tout ça. Wow. Je sais une fois de temps en temps, mais est-ce que Colin choisit la semaine en fonction de ce que j'aime? C'est drôle de même. Hein? Comme non, si mais, c'était genre à moitié ouais, mon émission. Mais t'aimes quand même beaucoup de trucs là, parce que tu m'as dit ça aussi pour Set The Whale, ouais. OK Go, ouais. Artist of the Year. Oui. Ariel, c'est ça? Peut-être pas Ariel. Ben, non, que je ferais peut-être un top francophone et un top anglophone. Peut-être. Ah, OK, différent. Là. Ouais, c'est ça. Et aussi le fait que mon top 10 contient minimum 100-150. Ton top 10? Ouais, ouais. Ben, okay, c'est des ex-quotes, il faut comprendre. Donc, en première position, on a comme une vingtaine de groupes. Ben, c'est ça. Non, non, une dizaine dans chaque. Je dirais qu'il y a peut-être une position 1 à 10 de chaque position 1 à 10 de mes groupes préférés, tu comprends? OK, ça serait vraiment compliqué de faire une émission palmarès sur tes goûts musicaux à toi. Là. Ben, c'est ça, faudrait faire un sous-sous dossier dans un ordinateur, mettons. Sur ma clé USB, mettons. Mais c'est bien classé. C'est bien classé parce que je suis de même. Ça. C'est bon. Merci. Donc voilà pour le bloc C'était fou. On fait ça chaque semaine ou presque dans les palmarès C'est fou. Maintenant, on est rendu aux positions numéro 7 de chaque côté. Et en anglophone, ce sera Solids et Traces qui descendent d'une place. Alors que du côté francophone, ça monte de 7, c'est Panache de Pendentif. Puis on est de retour dans le présent pour ceux qui n'ont pas remarqué. C'est là, maintenant. 2013. 2013 pour encore quelques mois. Deux mois? Un mois encore et demi. Quelques un mois. Non, un mois et deux semaines. Même pas quelques. Un mois et deux semaines, c'est quelques. Ouais. Mais pas quelques mois. Moi, y penser. Pour une fête, oublier l'atmosphère. Il avait dû se passer quelque chose. Il avait dû se passer quelque chose. Oh yeah. Passer les fenêtres, passer le nouveau monde. Marcher dans les rues. Et je danse sans rendez-vous au bas des éoliennes. Ouverte. C'est fou, vous sont présentés en collaboration avec l'AGE UQTR. Summerland est juste un peu trop, qui monte de la 18e place maintenant en 6e position francophone. Oui. Avant ça, on a sauté avant ça. On a sauté Dinosaur Bones et Slipknot qui descendent de la numéro 2 et où on a aussi entendu les 7e places. Oui, donc du côté anglophone, c'était Traces de Solid. Et en 7e francophone, c'était Panache de Pendentif. Voilà pour la portion top 10 des Palmarès Ifo. On se retrouve ça dans quelques minutes pour les gens qui nous écoutent le jeudi et le dimanche pour l'édition top 5. Sinon, c'est demain pour les gens qui écoutent du lundi au mercredi entre 17h et 18h. À la prochaine! Très bientôt! Wouhou. Bonjour et bienvenue à l'édition Top 5 des Palmarès C'est fou pour la semaine du 18 au 24 novembre 2013. Il est Stéphanie Paradis. Et lui, c'est Mathieu Plante. Mais-en! Mais-en! À 100%! You can say that again! Il faudrait que tu répètes la phrase. Et toi, c'est Mathieu Plante, Mathieu Plante! Quel gag à se jeter à terre! Ben oui, ça donne le goût de mourir et de tomber à plat sol. Ça commence très, très bien, top 5. Donc, du côté anglophone, la 5e place est occupée par June in the Fields. En fait, c'est la même position que la semaine passée, c'est Endman C. Alors que du côté francophone, bien, c'est stable aussi et c'est la fièvre des fleurs de Claude Pelgag. Et restez là parce que plus tard, dans cette portion des Palmarès C'est fou, on a les instants classiques number 2. Oh, un petit instant classique surprise édition spéciale. Avec un petit nom bébé cute, mais on vous le dira tantôt parce que c'est une surprise. Et puis, on a aussi ailleurs dans les Palmarès à venir, donc restez là pour l'instant. Mais comme tu l'as dit, hein, c'est la numéro 5 francophone. Fait que, hein, bon. Et voilà, bonne écoute. Enjoy. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. Il lui arrivait de disparaître dans la maladie. Mais elle revenait toujours dans sa vitalité. Je l'ai connu en fièvre vers la fin de sa vie. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu portes ton nom de fleur qu'on apprend par le cœur. J'aime ton souvenir comme le chocolat. Tu ressembles de plus en plus à quelqu'un que je connais pas. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Let's tell her, let's tell her. Elle est partie, elle est partie, elle est partie, elle est partie. Oh, 5. Sunshine like diamonds on the Andaman Sea. Behind the mountains, it is fading slowly. Purple, orange, and blue, the colors of my heart. It's good to be part of it now. It was needed to be free a little time on my own. What I had to find, I could only find it alone. But now it's good, I've solved it out. Now it's good, I can say it out loud. Don't really need to say it out loud. It's still a part of you, shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you, shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. I believe our love it could grow deeper. It was needed to be free, sailing towards the shore, a little older and wiser than before. Something's waiting for me, and I know I own the key. Well, I know I own the key. And there's still a part of you shining on my soul. Must apologize if I left you alone on the road. There's still a part of you shining on my soul. All you've learned to me is much more precious than gold. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. Alone, but never alone with you and all I do. Alone, but never alone, it's true. June in the Fields, et c'est la position numéro 5. C'est stable avec Anomancy. Et tout juste avant, du côté francophone, on a aussi entendu la stabilité de Claude Pelgag avec La fièvre des fleurs. Oui, j'allais dire tantôt, Anne de merci de m'avoir aidé. Anne de merci. Anomancy, mais Anne de merci. Ah! C'est un gag, un jeu de mots. Calembour. C'est ça. Ah, qu'on l'a l'affaire. Parlant de gens qui l'ont l'affaire. Quel lien douteux, mais on me dit que je fais des bons liens, fait que je vais faire comme si c'était un très bon lien. Merci. Ouais, non, mais c'est pas comme un auto-compliment. Un peu. Un auto-compliment. Un auto-compliment. C'est ordinaire, c'est auto-complimenter. Tu sais, quand t'as besoin de t'auto-complimenter pour, parce que les autres te font pas de compliments. Mais c'est moins pire que de chercher à se faire complimenter comme je fais aussi. Des fois. c'est des animateurs d'assemblage requis. C'est vrai. Et si vous écoutez l'émission Les Palmarès assez fous, vous savez qu'on a un bloc, un instant classique. On a tendance à le faire dans la deuxième heure de l'édition complète, slash l'édition du mardi pour les gens qui nous écoutent le soir, là, les losers. C'est gratuit comme commentaire. Ça. Mais tellement, parce que tout le monde qui écoute Les Palmarès, c'est nécessairement des winners. Et ouais, ben, oui, et des palmiers. Palmarès, palmiers. Ouais. Bref, ceux qui écoutent la portion top 10 des Palmarès assez fous, vous avez remarqué le bloc Un instant classique qu'on fait tout le temps à ce moment-là. Et là, on a un deuxième bloc, Un instant classique, mais qui est spécial. Donc, on l'a mis dans l'édition top 5, la troisième heure. Et on l'appelle, et là, tu vas m'aider à chanter sur la chanson. Hein? tu vas m'aider? Okay, parce oui, que, oui, oui, oui, je suis prête. Là. J'essaie juste d'avoir le timing correct d'appuyage sur le bouton ici. Je me concentre. Voici un aparté classique. Aparté classique. Classique, Voici les meilleurs apartés d'assemblage requis pour la semaine du 18 novembre 2013. Je peux-tu te conter une anecdote? Je peux faire une parenthèse? T'es game pour un aparté là? On va voir. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire ce soir. Je vais écouter un Vine. J'aime ça écouter les Vines. Hey, il y a un Vine là que j'ai... Hey, wow, le gars, il vient de pêcher une méchante grosse morue. Hey, ça, c'est drôle. Hey, ils sont deux en plus. Ils doivent mesurer un mètre chaque. Wow! C'est vraiment impressionnant. Et ça dure depuis 2 secondes. Je regarde des gars qui tiennent des morues. En boucle? Oui. Non, 2 secondes. OK. Interromps-moi pas. C'est une attraction. Wow! Il y a un dauphin qui mange la morue du gars qui est dans ses mains. Wow! Ça, c'est un bon vin, ça. Je vais le réécouter. De toute façon, c'est en boucle. Fait que là, le gars, il tient sa morue. Puis là, boum! Il se fait piquer sa morue. Il est sur un bateau. Puis il se fait piquer sa morue par le dauphin. Tu sais pourquoi on n'est pas un duo humoristique? Parce que sinon, je l'interromps, fait que je gâche son gag. Oui! Puis j'ai dit... En plus, il me dit à chaque fois. Oui. Non, interromps pas mon gag! T'as fait beaucoup d'apartés. Ah oui, tu veux en faire une? Ouais, je vais me tenter, je vais essayer quelque chose. Okay. Donc voici l'aparté de Mathieu. Là, je suis un psychologue. Faut que je te parle. Je t'écoute. C'est ça, parce que j'ai un problème dans la vie. On dirait que les silences, pour moi, je suis pas capable d'avoir un silence dans ma vie. Faut que je remplisse le silence. On dirait que je me sens mal quand il y a un silence. Fait que je suis là, puis je parle. Même quand c'est un silence, genre, intentionnel, dans, mettons, une blague que quelqu'un fait, c'est un problème que j'ai, t'sais. Comme là, tu vois, il y aurait un silence. Parce que comme il n'y avait pas les criquets. C'est ça. Je parle pas de ton aparté. Ouais. je me sens mal. Là. Ouais. Ah! Celui-là, il était pas pire. OK, je pense que je commence à... Ça va mieux? Ça va mieux pour les silences. Ouais. J'ai du mal à pas interagir. Je comprends maintenant ce que c'est. Tu vois, hein? Oui, c'est dur. Ouais. On dirait que je veux jamais te laisser tomber. Non. C'est comme un filet de sûreté, tu sais. On est comme une équipe, tu sais. Une équipe, c'est comme ça. Hein. Ça arrive une minute en retard. C'est que ça va chercher un café. Genre. Mais l'un est là pour l'autre et l'autre est là pour l'un. Ah, wow. C'est comme une entraide. On préfère une à partie. À deux? Oui. On se coupe la parole l'un l'autre. Parfait. À quel sujet? Justement. Justement. Félicitations, vous avez fait 70$ de plus d'achat. Fait que vous avez un jus de tomate. Moi, tu vois, j'ai toujours eu envie, tu sais, de à la place, mettons, une pièce de théâtre, de lancer des jus de tomate à la place de lancer des tomates. Ben oui. Une bouteille ou un blé. Mais c'est con, parce qu'en même temps, le jus de tomate, il aurait dû donner ça l'été. Il n'y a plus de moufrette à ce temps-ci. C'est vrai, qu'est-ce que je fais avec du jus de tomate? Je sais pas, il n'y a rien à faire avec du jus de tomate. Mais du jus de tomate, c'est bon, mais c'est parce que c'est rempli de grumeaux. T'sais. C'est un peu comme de la pulpe, tu sais, mais est-ce qu'il précise, est-ce qu'un jus de tomate, c'est sans pulpe? T'sais? Oui, t'as sans pulpe. Okay. Petit peu de pulpe. Petit peu de pulpe. Beaucoup de pulpe. Beaucoup de pulpe. Très beaucoup de pulpe. Hein? A lot of pulpe! Juste de la pulpe. Juste de la pulpe. Il devrait faire du jus d'orange avec juste de la pulpe. Un poulpe. Oui, un poulpe. Oui. C'est plein de poulpe. C'est comme dans Pulp Fiction, oui. Le célèbre film avec des tentacules. Oui, mais c'est parfait avec du clamato. Clamato, a lot of pulp. Oui, a lot of pulp. Bon, ben voilà. Je m'en peux plus. Je m'en peux pulp. Est-ce que tu penses que celle-là, c'est dans nos plus populaires? Je parle des poulpulaires. C'est poulpulaire. Ben oui, parce que la tension entre nous deux était poulpable. Poulpable. Attention, monsieur le juge. Poulpable. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je m'en vais à Capoulpoul. À Capoulpo, quand j'ai raté. Celle-là était too much, Mathieu. On a oublié de chanter sa chanson à la fin. Oups. Oh mon Dieu! Attends un peu, on va la refaire. Ok, attention, go. Aparté! Phew! J'avais oublié le mot. Moi aussi. C'est un poutine classique. Classique et avec de la sauce brune. Wow. C'était un aparté classique, une édition spéciale d'un instant classique où on faisait trois apartés absolument fantastiques dans l'émission de mardi, je crois. Oui, mardi. Oui, et je me fais insolite et cocasse pour moi. C'est vraiment cocasse pour les autres quand je dis ça. C'est que le premier aparté, parce que oui, premièrement, c'est un aparté, c'est masculin. Je l'ai appris en lisant sur Wikipédia pour savoir comment ça s'écrit aparté parce que je ne savais pas, puis ça me disait que c'est un mot masculin. Fait que dorénavant, je vais devoir me dire un aparté. Et cet aparté-là, précisément, était dans la chronique de l'AGEQTR de Mathieu Roy. Quand il m'a demandé de chialer OK, il a dit, je peux te chialer. J'ai dit, oui, mais quand tu chiales, ça s'appelle tout le temps de quoi. Donc, j'ai parti l'intro de tout le temps de quoi. Et dans tout le temps de quoi, JP s'est mis à vouloir faire une parenthèse. Donc, j'ai mis l'aparté dans tout le temps de quoi, dans la chronique de GE, dans Assemblage Recu. C'est fun, hein? Mise en abîme. Oui, c'est de l'Inception, mise en abîme. Oh, tu te rappelles-tu, c'est comme la fois où t'avais voulu aller dans un autre ordinateur avec ton ordinateur, oui. Mais qui était connecté sur déjà l'ordinateur. Oh. Fait que t'es juste comme écran dans écran dans écran. Mais dans... tu t'attendrais à ce que le logiciel te laisse pas faire ça, mais je me suis connecté à l'ordinateur du bureau à partir d'un autre ordinateur du bureau qui lui était connecté sur l'ordinateur du bureau du premier cas. Donc ça faisait vraiment comme à la télé, à Musique Plus, quand il filmait une caméra, qu'il filmait un moniteur de télé. Oh mon Dieu, c'était fantastique. Wow. On a eu beaucoup trop de plaisir. On est tellement geek. C'est un peu pathétique des fois. Ouais, mais j'aime ça de même. Donc voilà pour un instant classique number 2. Retrouvez ça dans la deuxième heure des Palmarès C'est fou. Ça, c'est celle de l'émission du mardi à 17h. Sinon, dans le milieu de l'émission, faites la transition vous-même, la traduction. Hein. Translation. C'est un peu trop compliqué pour mon petit cerveau, cela. Donc on est rendu en position numéro 4 du côté anglophone. C'est l'ancien numéro 1, Miss Mystery, Think of You. Et toi, t'es francophone, ça monte de 3, c'était en 7e place. La semaine dernière, c'est Supernova de Bradley Cardi. Au palmarès, c'est fou, édition top 5! Comme une supernova, je m'éclate sans éclat. Je suis tout en émoi, car j'ai envie de toi. Alors que le monde tourne en rond, qu'à chaque fois j'entends ton nom. Mister, l'ancien numéro 1 anglophone, c'est Think of You sur l'album Second Hand Rapture. Alors que du côté francophone, c'était Supernova de Bradycardi. Super! Nova! Nova! C'est pas une marque de truc pour les dentiers, ça, Nova? Non, ben je sais pas, j'ai pas de dentier. Non, mais tu vas jamais aller dans le rayon des... Des dentiers, non. Non! Des pâtes à dents, il y en a comme 1000. Comment est-ce qu'il peut y avoir autant de marques de pâtes à dents? Je ne comprends pas. Écoute, moi, je vais te dire, là, ma belle-sœur a acheté un kit de pâtes à dents au Costco il y a à peu près 3 ans, puis il en reste encore pour 4 ans. Fait que j'y vais rarement, je te dirais. C'est con, mais on est peut-être rendu vieux couple, ma copine et moi, mais oui, parce qu'étrangement, Stéphanie n'est pas ma copine, même si on se parle comme là en ce moment, comme si on se connaissait depuis 1000 ans. Ben oui, parce qu'on parle de pâtes à dents. C'est ça, vraiment. Mais bref, donc, on pense à peut-être acheter une carte de membre pour un de ces magasins grande surface, vous savez, où il y a des produits multiples en emballage. Et c'est un projet de vieux couple, ça, tu crois? Ben, on dirait que oui. Ben, je suis un vieux couple avec ma belle-sœur, c'est ça? Ça coûte comme 50 genre dollars par année. Ben, ça dépend, tu peux avoir le prestige. Ah, oh, ben, genre, non, non, non. Non, non, mais à la fin de l'année, t'as une ristourne sur tes achats. On n'ira pas assez souvent pour ça. Ben, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi aussi. Côté. Pour vrai, non, ça sent bien. On va voir. Je te tiens au courant. Conversation Costco. Yes, cool. Hey, ça, c'est le fun. Hey, du côté anglophone, la position numéro 3, c'est The Darcy's et Hunty qui montent de 7. Et du côté francophone, c'est l'ancien numéro 1 et c'est Léa dans les magazines de Panache. Vous parlez assez fou, édition top 5. The Darcy's Ear Hunting monte de 7 places en 3e position anglophone. Et du côté francophone, c'était l'ancien numéro 1, c'est Léa dans les magazines de Panache. Mm-hmm. Les numéro 2, ça en vient juste là. Ouais. Ouais, pas mal. Pas mal là. Déjà? Ouais. Ça va vite, hein? Ouais. On arrête ça, les ouais. pour le côté anglophone, ce sera The Cat Empire et Wild Animals qui montent de 2 places. Mais tout juste avant, du côté francophone, ça monte de 17 et c'est Manège de Mauve. Et restez là parce que juste après, ce sera ailleurs dans les palmarès. Wouhou! Just like Les Calipari Wild Animals qui viennent monter de deux places en deuxième anglophone. Avant ça, du côté franco, c'était Mauve et Manège qui montent de 17 places. Maintenant, ça va être le moment de la chronique ailleurs dans les palmarès. Ouh! Fantôme! On n'a pas d'intro pour ça, fait qu'il faut faire notre propre intro. Hein. Est-ce qu'on fait, on fait une intro maison? OK. OK, attention, je baisse le... Est-ce que tu veux de musique? Hein? Est-ce que je mets de musique ou pas? Ouais, mais moi, genre des castagnettes avec... T'as un peu que je cherche castagnettes! Ah, oh, t'as peu, là. Je savais pas que j'avais des contraintes. Ben là, ça va être pas mal cette chanson-là s'il y en a une. Ouh! Et on est palmarès! Ah là là, là là là, ailleurs dans le palmarès! Ailleurs dans les palmarès. Oui, ben parce que pour ceux qui ne savent pas encore, les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 20 franco, un top 20 anglo. C'est vrai, c'est aussi un top 30 des albums, un top 3 des disques canadiens, un top 10 loud, un top 5 musique du monde. Arrête donc, ouais. Je te le jure, et on va commencer avec le top 30 des albums. Donc, on a 4 nouvelles entrées dans le top 30 des albums. Donc, en 30e place, c'est Tony Decker avec l'album Prayer of the Woods. Ensuite, on monte à la 20e, c'est Jobin. Avec l'album The New Religion Project. En 19e, Radical Face avec The Family Tree, The Branches. Et finalement, en 18e, Steve Hill et l'album Solo Recordings, volume 1,5. One and a half. Ouais, mais c'est parce que c'est écrit en chiffres, là. Ouais, ouais, ouais. C'était une longue transition dans mon cerveau. Ensuite, on monte avec les trois premières positions. En 3e, c'est The Darcy's et l'album Roaring. En 2e place, The Cat Empire avec Still the Light. Et finalement, en 1e, ça a monté de 2. C'est Set the Whale avec l'album Hawaii. Ensuite, on passe au top 3 des disques canadiens. Oh yeah, il est content. Mm-hmm. En 3e place, c'est stable. C'est June in the Fields avec June in the Fields. En 2e, ça a monté de 9. C'est The Darcy's et l'album Warring. Et finalement, en 1e place, c'est Set the Whale avec l'album Hawaii. Dans le top 10, là, deux nouvelles entrées. En 10e place, Dissension avec Off Time and Chronic Disease. En 9e, Insurrection, avec Prototype. Dans le top 3, c'est stable. En 3e, Death Angel et The Dream Calls for Blood. En 2e, c'est l'ancien numéro 1, Motorhead et Aftershock. En première, ça monte de 4 places, Toxic Holocaust et l'album Chemistry of Consciousness. Dans le top 5 des musiques du monde, maintenant, une seule nouvelle entrée en 4e place, c'est Mustapha Kouyaté et Romain Malagnou avec la pièce Fanga. En 3e, c'est l'ancien numéro 1, la pièce Caprichos de España par Stefano Boggiani et Hamilton de Hollanda. En 2e, c'est Lala Nyava avec la pièce Dinako. Et en première, ça monte de 2, Lady Midriasis, qu'on a entendu la semaine passée, de l'artiste Anachronic Electro Orchestra featuring Frederica sur l'album Noise in Cipher. Hey, ça tombe bien que la chanson est terminée, savez-vous quoi? Parce que j'aurais envie qu'on rechante l'intro pour que je puisse faire quelque chose avec plus tard. Oh, mais t'es peu, là. Je sais pas si je vais m'en souvenir. OK, je vais juste te remettre l'intro, le début, mais on chantera pas dessus parce qu'on veut l'avoir sans la chanson. OK, attention. Ailleurs. Comme ça. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. OK, parfait. Là, je peux l'arrêter. On va la chanter sans le fond pour qu'on puisse la mettre sur une musique plus tard. OK? Attention. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs. Et là, on va mettre une musique là-dessus. Ça va être écœurant. Donc, pour compléter ce beau bloc ailleurs des palmarès avec une future intro qui va être des mille profondes, on va entendre la position numéro 2 du côté du top 5 des musiques du monde. Et c'est l'artiste Lala Nyava avec Dinako. On écoute ça à l'instant. C'est pour toi, maman. C'est pour toi. Ah oui? Parce qu'elle l'aime, elle aussi. Hein? Ailleurs dans les palmarès. Oui, non, mais pas celle-là. Ah, OK. Hein. Je me suis fait des faux espoirs de futurs hits. Oh, c'est jamais, on sait jamais. Des fois, on entend des choses qu'on dit. Comment ça, c'est là? Somebody have a Ailleurs dans les palmarès. Hey, on n'aura jamais vu un montage fait aussi rapidement, là. Incroyable! On a un producteur vraiment sa coche pour avoir un montage aussi rapide. On vient juste de l'enregistrer, ça. Surtout qu'il est parti chez eux. En plus, c'est la fin de semaine pour lui, donc vraiment bravo. Il a fait ça dans sa voiture, là. C'est un as. Incroyable. Danny Janvier, on t'aimera toujours. Avec amour, signé Mathieu et Stéphanie. Oh, love, love, love, des petits cœurs. Oh, cute. Donc, voilà pour la section ailleurs dans les palmarès. On vous rappelle que ce qu'on vient d'entendre, c'est Lala Neava avec la pièce Dinaco. Et ça, c'est en position numéro 2 stable sur l'album Malagasy Blues Song. Et si vous aimez la musique du monde et cette chanson-là en particulier, vous allez la réentendre à Brancher le Monde avec David Ferron les dimanches à 17h. Et voilà. C'est bien dit. Ailleurs dans les palmarès. On l'a dans la tête, hein? Vraiment. C'est un succès instantané, on l'a même pas écrit, ça, non? Ben trop cheesy. C'est pas comme notre parodie d'Alex Nevsky avec la gomme Juicy Flute. Préparez Nevsky, préparez une bonne chanson, quelque chose comme ça. Son goût va vous renverser. Écoutez-la, fumez-la. Son va vous renverser, achetez-la sans hésiter. C'était vraiment bon, ça. On est fan, je pense, des faux covers de merde. Ouais. Non, mais on s'entend, là, c'est pas du grand succès. C'est malgré que peut-être qu'un jour, on pourrait faire une compilation de nos meilleures œuvres. Qui me dit quoi? Je crois que je suis d'accord avec toi et genre comme vraiment beaucoup. Hein? J'ai-tu des flashs de la mort des fois, de la MORT des fois? T'es hot en tabarnouche. Ah, sais-tu quoi? Non. Ah, Colin. Ah, oui! Quoi, oui. quoi? Oui, attends. Est-ce que... Ah, oui! Oui! Hey, ça fait comme 20 minutes avant que je l'aille. Hein? Ben oui. Je patine pas mal. Hein? Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4. Préparez Nevsky à vous jouer une bonne chanson. Son son va vous renverser. Écoutez-la, humez-la. Cette bonne chanson va vous renverser. Achetez-la sans hésiter. Cette chanson, la renversante. Écoutez-la, elle est bonne. Assez fou. Juicy Fruit, la gomme renversante et renversante. Oups. C'est ça, c'est ça. Merci. C'est fabuleux. C'est grand, là. C'est pièce bonus sur ton prochain. Hein? Ben, moi, je la mettrais comme single. Comme single. C'est le single, je dis, bravo. Merci. Mais il faudrait couper Juicy Fruit. Ouais, c'est ça, parce que c'est une marque de commerce déposée de Wrigley's, ouais. Je crois. Mais bravo. Merci. Je suis vraiment. Merci. Donc maintenant, pour notre concours, il suffit de nous dire le nombre de fausses notes dans cette chanson pour gagner notre prochain album. Vous pouvez appeler maintenant au 376-583 pour gagner notre album. Combien de fausses notes y avait-il dans cette chanson? On prend le quatrième appel. Avec la bonne réponse. Avec la bonne réponse, bien sûr. Bonne chance. À part ça. C'est comme estimer le nombre de jujubes dans un plat, ça. 420. C'est des jelly beans. Ah, d'accord. Donc, de retour à notre palmarès standard, on est rendu au numéro 1. Et numéro 1 veut dire « jeu de mots poche ». C'est tout à fait vrai. En fait, numéro 1 veut juste dire « autre jeu de mots poche ». Parce... Il y en a d'autres le reste de l'émission, mais ouais, particulièrement là, je veux dire, je me lance à l'eau comme un marin le ferait, si on veut. Oui. J'imagine. Dépendant de là, il va pouvoir sortir son doigt pour regarder. J'ai vraiment touché le micro, excuse-moi, pour le prochain animateur. Désolé. Et là, il va mettre son doigt dans les airs et il va déterminer par où le vent vire avant de pouvoir se jeter à l'eau. Si jamais il y avait, mettons, un pirate qui lui demandait de le faire, tu comprends? Mm-hmm. C'est le genre de gars à faire ça. Parce qu'il a été bien éduqué. Il plongera pas dans l'eau, mettons, une demi-heure après avoir mangé, tu sais. Parce que sa mère lui a dit, ne fais pas ça, tu comprends? Sa mère lui a dit ça. Sa mère qui était particulièrement une femme à barbe, une femme aussi volumineuse. Elle avait l'air d'une baleine. Volumineuse. Une femme à barbe. Ah, drôle. Volumineuse. Très drôle. OK, attends, j'ai pas mon crayon. Où est mon crayon? Parce que là, quand des affaires comme ça ont lieu, faut le noter. C'est comment? Velumineuse. C'est ça, ma barbe. Ça ressemble à un petit épisode, ça. Hein? Étrangement. Qu'à l'élève dépasse le maître. Oui. Tout à fait. On l'a déjà dit que tu peux pas dépasser mon maître parce qu'il est vraiment tête et long. Parce que ton maître équivaut à une verge dans ta vie à toi. Ben, tu vois, sur le système anglais. Bon. Donc, sa mère, qui l'a bien éduquée, est une baleine dans le sens qu'elle est très, très volumineuse. Voilà, très drôle. Tellement que Colin, son fils, n'en revient pas et veut lui payer un voyage à Hawaï. Il veut lui payer. T'ambitionnes un peu, je trouve. T'ambitionnes pas mal. Donc, il veut lui payer à sa mère un voyage à Hawaï ou dans un autre pays parce qu'il a l'embarras du choix. Hawaï, c'est un état, hein, pas un pays. Oui, c'est un état. Ouais. Je me suis corrigé moi-même, c'est quand même pas pire. J'avais même pas entendu que t'avais dit pays. Bref. Moi, j'étais juste concentrée à la velue, c'était drôle. Ah oui, c'est ça. Tu fais tellement rarement des bonnes blagues qu'il faut que tu les remarques et que t'en parles pendant 3 à 4 minutes à la fois. Hein? Genre. Ouais, mais c'est parce que quand ça sort, c'est écœurant. C'est la même chose. Fait que je te comprends, c'est la même chose. Donc, oui. Je récapitule pour vous, mes chers amis. Explique-nous. Donc, du côté anglophone, la première position, ça monte de 2, c'est Mother de Seth The Whale. Mais tout juste avant, du côté francophone, un bond assez impressionnant de 19 places et c'est Le Vent Vire de David Marin. Au palmarès, il faut édition top 5! C'est pas mal top 1. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui tombe à l'automne, comme un matin de rentrée, un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui fait faux bon, me donne envie de plonger pour voir si dans le fond y a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Thank you. trombe à l'automne résonne jusque dans le piano. Les tunes que tu fredonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser. Première position. Première position. Ben non, man. C'est pas ça qu'il fallait que tu fasses jouer. Ben non, yo, man. C'était ça. T'as un problème de piton. Oui, toujours des problèmes de piton. Tu sais jamais où il est, puis il faut que tu cherches dans les coins. Pis, quand il fait noir. C'est ça, ça devient bizarre, là, tout ça. Donc, c'était les premières positions. Du côté anglophone, on vient d'entendre Sadowell et Mother qui montent de deux places. Alors que du côté francophone, on a entendu Le Vent Vire de David Marin de l'album Le Choix de l'Embarras. Et voilà pour les palmarès, c'est fou. Et au complet pour la semaine, c'est tout. C'est là-dessus que ça termine. Et voilà, déjà fini. Et on se laisse sur le mot de la fin. Crazy Carpet, ou en français, tapis luge. Non, c'est comme un roulis roulant, c'est tellement laid, ça peut pas être dit. Non, roulis roulant de... Ah, mon Dieu, non. Enlève ça ton vocabulaire. Brûlez ça. Ton vocabulaire. Écris-le sur une feuille, puis brûle ta feuille. Tellement. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h, pour l'édition complète. Ça joue le dimanche, entre midi et 15h, et du lundi au mercredi, entre 17h et 18h, pour l'édition New Shit le lundi, top 10 le mardi et top 5 le mercredi. Des heures de plaisir. Au moins 3, fois 3, 9. Si vous écoutez tout au complet, ça. Ben oui. Faut être un petit peu fou, ces bars. Mais bon. Plus une fois la balado. Oui. Pour être certain. Clairement. Donc voilà pour ça. Allez voir cif.ca pour la programmation complète et puis assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados de diffusion. Retrouvez aussi les balados de diffusion des instants classiques et de Palmer Rest in Peace. Et les péripéties de JP. Tout est là sur assemblagerequis.com. Malade. On se quitte avec une pièce qu'on a sautée plus tôt dans l'émission. Donc c'est la position numéro 11 du côté anglophone. C'est Voyager de Fur Trade. À la semaine prochaine. Bye. Bye. On part en voyage. Ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès. I wanna love you like an honest man. Don't tell if there's anybody else. I wanna be your defender.